Et donc, non seulement on va reprendre, mais on va conclure, comme on l'a dit tout à l'heure, le cycle du cours, en terminant avec les aspects qui sont liés à la communication scientifique. Alors, ça tombe bien, puisque la plupart d'entre vous, directement ou indirectement, étudiez l'information et la communication. Et j'ai essayé de vous montrer en une petite heure comment la communication scientifique s'est développée finalement depuis la plus lointaine antiquité jusqu'à aujourd'hui, en mettant l'accent sur quelques défis d'aujourd'hui et des choses qui peuvent vous toucher directement aussi comme étudiants qui vont réaliser un mémoire ou même un TPM d'ici demain. Alors, j'aime bien remettre les choses en contexte, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rester une demi-heure sur l'antiquité. Là, c'est une image qui n'est pas évidemment une image réalisée dans l'Antiquité, c'est une gravure de la fin du 19e siècle. Et ce qu'on y voit, c'est une vue de la bibliothèque d'Alexandrie. Donc, c'est peut-être la bibliothèque d'Alexandrie dans l'Antiquité, énorme bibliothèque qui a été détruite dans l'Antiquité même. Une bibliothèque qui, à l'époque de Jules César, donc il y a 2000 ans environ, comptait pas moins de 700 000 volumes. Vous voyez, à l'époque, ce ne sont pas des livres, on voit pas nécessairement très très bien, mais ce sont des volumes de parchemin roulés sur eux-mêmes, qu'on dépliait un peu comme encore aujourd'hui, par exemple la Torah, dans la religion judaïque, on déroule et on lit des rouleaux, c'était la même technique déjà à l'époque. Donc 700 000 livres différents, c'est quasiment autant que ce qu'on peut accéder dans notre bibliothèque des sciences humaines aujourd'hui. Donc c'est quand même assez impressionnant. Alors, autre chose que je trouve assez intéressant, même si c'est une vue d'artiste, ça met l'accent sur deux aspects qui vont rester des invariants dans toute l'histoire de la communication scientifique jusqu'à nos jours. Alors certes, faire une recherche, c'est parfois un travail solitaire, surtout dans les sciences humaines, même si de plus en plus les chercheurs travaillent en équipe internationale, beaucoup plus qu'avant. Mais vous voyez, au moment de lire et de commenter les documents, les articles, les livres, eh bien les gens se regroupent, que ce soit il y a 2300 ans ou aujourd'hui. Faire de la recherche, communiquer de la recherche, évaluer de la recherche, ça reste une activité qui est complètement sociale, complètement collective. Ce n'est pas une chose qu'on fait tout seul dans son coin. Si moi tout seul je publie un livre et que personne, on y reviendra tout à l'heure, mais personne n'est là, un père comme on dit, quelqu'un qui travaille dans le même domaine que moi en recherche, n'est là pour dire « ok, je valide la qualité de son travail, ok, je peux diffuser ça tant que je veux, mais ça n'aura pas la même valeur que si on a collectivement réfléchi sur mon projet ». Si j'ai reconnu que d'autres avaient le droit de me critiquer, c'est ce qu'on appelle la revue par les pairs en recherche scientifique, et que finalement l'objet qui est finalement publié, c'est bien sûr mon travail à moi, mais qui a bénéficié de la vie, de la critique, des discussions qu'on peut avoir avec des collègues. Donc c'est vraiment quelque chose de très collectif. Parfois on imagine le chercheur comme l'homme ou la femme toujours tout seul là, dans son grenier avec quelques vieux bouquins et quand même un ordinateur un peu plus moderne dans notre discipline. Mais non, c'est vraiment un travail collectif. L'autre aspect, c'est l'importance de l'archivage. Vous voyez déjà, il y a 2300 ans, il y a l'importance que ces volumes soient bien classés. S'il n'y avait pas de communication scientifique, notamment via les smartphones, mademoiselle, je ne sais pas si vous avez une question. Elle est bienvenue, il n'y a pas de souci. Donc, à l'époque déjà, l'importance pour construire la science, la connaissance, archiver les documents, et pouvoir les retrouver aisément. Mais déjà, c'est des choses qui existaient à l'époque de l'Antiquité. Alors, on fait un bond dans le temps, un grand bond dans le temps, de 300 avant Jésus-Christ jusqu'à 1300, on va dire, 13e siècle, fin du 13e siècle. Ce qu'on voit là, je ne sais pas si certains ont vu le film Le Rouge et le Noir, ou peut-être lu le livre d'Umberto Eco, mais c'est les ateliers de reproduction des livres. Ce ne sont plus des volumens, ce sont des livres réalisés sur base de parchemins qui sont reliés entre eux, et vous aviez des moines copistes qui reproduisaient manuellement les livres, et on leur doit évidemment le fait que toute cette connaissance développée dans l'Antiquité est arrivée finalement jusqu'à, en tout cas une partie d'entre elles, jusqu'à notre époque. Alors évidemment les livres coûtaient très très très très très cher, puisqu'ils étaient tous réalisés manuellement, que ce soit dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge, et seules les personnes les plus riches, ou les monastères les plus riches, avaient des bibliothèques. Ces livres servaient aussi dans l'enseignement. D'ailleurs, vous voyez une classe ici du 14e siècle, donc sans doute vers 1350-1360. On voit le maître qui est finalement, ça, pas du tout que je me prenne pour un maître, mais enfin, la position, finalement, on a gardé cette idée d'avoir une position en surplomb, de donner cours à un auditoire, et vous voyez aussi des gens qui aiment bien un peu commenter ce qui est dit par le prof pendant le cours, mais finalement, rien n'a changé. Je crois même qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui est aussi en train, pas chez vous, mais oui, voilà. Carrément ne supporte pas le poids des paroles du maître et s'est carrément endormi en cours de leçon. Mais bon, ça a l'air d'aller mieux chez nous. Ok, donc tout ça pour vous situer en fait à vraiment être un trait, cette histoire très ancienne de la communication scientifique depuis l'Antiquité avec la bibliothèque d'Alexandrie, l'époque médiévale, la reproduction sous forme de parchemin et l'utilisation dans des cours. Mais de nouveau, uniquement pour une minorité, ce n'était pas l'enseignement de masse, c'était uniquement les gens qui allaient devenir soit religieux, soit clercs pour gérer l'administration, qui avaient droit à cette éducation. Et puis au XVe siècle, comme vous le savez, on va pas faire tout un cours d'histoire, c'est quelques grands jargons, quelques grands jalons, mais c'est vraiment ce qu'on appelle du 1450 à 1700, l'époque de la révolution scientifique en Occident. À la manière de produire les connaissances, mais aussi de les communiquer, et les deux sont complètement liés, va être absolument bouleversée. Alors, on parle d'une chose qu'on connaît bien, en 1454, l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Évidemment, là, ça change radicalement la donne. Plutôt qu'avoir des livres qui vont rester assez chers, évidemment, mais néanmoins un peu moins chers, du fait qu'on va pouvoir les reproduire mécaniquement, ça ne va plus être soit des volumes, soit des parchemins qui étaient rédigés et reproduits uniquement à la main. Donc c'est une première massification des connaissances. Les livres produits par les... On peut encore parler de chercheurs au XVe siècle, on parlait de savants, on parlait de philosophes. Philosophes avaient un sens très large. Les philosophes, c'était aussi bien des gens qui travaillaient sur la nature que des gens qui travaillaient sur des réflexions plus au sens philosophique actuel. Donc l'imprimerie permet de diffuser beaucoup plus largement, un peu partout en Europe, les premiers livres, et dont les livres des chercheurs, des livres des savants. Alors, à part écrire des livres, depuis l'Antiquité, les savants avaient un autre moyen de communiquer, mais ils s'envoyaient des lettres. Ils s'envoyaient très régulièrement des courriers quand ils avaient fait une découverte, quand ils avaient une idée, ils avaient une intuition, et ils ne la gardaient pas toujours pour eux-mêmes, et ils s'écrivaient. Alors, le problème des lettres, évidemment, c'est que le gars qui la recevait la mettait dans un tiroir, et puis pour peu qu'il décède sans avoir donné la clé de son tiroir, mais toutes ces belles lettres, elles étaient complètement perdues pour la postérité. Parfois, certains éditaient en livre leurs lettres en les retravaillant un petit peu, et ça devenait un livre. Mais très souvent, ces lettres étaient complètement perdues, et il a fallu un individu dont le nom était Marin Mersenne, c'était un savant lui-même, travaillait dans toutes sortes de domaines. À l'époque, je vous dis, on était très généraliste, il travaillait sur la musique comme sur la chimie. Et Marin Mersenne, lui, il a eu cette idée de mettre en contact les savants du XVIIe siècle. Il est mort en 1648. Il a eu cette idée, plutôt que de n'avoir que des courriers entre deux personnes qui se perdent à la mort des savants, eh bien, de servir d'intermédiaire, de relayer les courriers parfois vers d'autres savants qui pourraient être intéressés. Donc il a vraiment joué un peu le rôle, je ne sais pas comment on pourrait dire, de routeur humain entre tous ces courriers de savants pour que tous les savants européens soient au courant des découvertes et pas seulement les deux qui s'échangeaient des courriers. Donc Marin Mersenne, il a un rôle important à ce niveau-là pour faire circuler l'information scientifique au XVIIe siècle. Donc on a finalement des livres qui ont plus de diffusion grâce à l'imprimerie. On a des courriers qui touchent davantage de savants et il y a une sorte de réseau qui se crée, pas seulement grâce à lui, mais quand même en partie grâce à ce travail de Marin Mersenne. Et pourtant, on a encore des problèmes. La situation n'est pas optimale. Le problème, en fait, c'est que si on pouvait se transporter, je ne sais pas, qu'on soit à Londres, à Rome, à Paris, enfin dans une de ces places au XVIIe siècle où vraiment la science commence à se développer, eh bien, on aurait vu que souvent les scientifiques, les savants, se disputaient entre eux. Alors, qu'est-ce qu'ils se disputaient? Ben, l'originalité, la paternité d'une invention. Et il y en a un qui est resté très très célèbre pour ce genre de problème, c'est Newton, Isaac Newton, vous savez, celui qui a inventé la loi de la gravité, souvent représenté avec une pomme qui lui tombe sur la tête. Donc Isaac Newton, un grand philosophe, savant, physicien anglais du XVIIe siècle, eh bien, ce bonhomme avait un caractère effroyable. C'était un immense savant, mais c'était un caractère complètement pourri. Il était misanthrope, il était détesté d'à peu près tout le monde, sauf de certains de ses étudiants, mais parce qu'il le flattait, il était sensible à la flatterie. Mais bon, le problème de ce Newton, hein, il a commencé aussi à être génial très très tôt. Donc à 16-17 ans, il a eu ses premières intuitions géniales, il a ses premières intuitions de théorie physique, de théorie d'optique. Le problème, c'est qu'il ne prétendait rien écrire. Donc il en parlait à ses amis, hein, ou à ses proches, mais il n'écrivait pas d'ouvrage. Et puis dès que quelqu'un écrivait quelque chose qui lui semblait s'être rapproché de son idée géniale, mais qui n'avait jamais été publié, là il s'excitait très fort et il a tenté un procès pour plagiat contre les idées qui étaient publiées par autrui en disant « mais non, j'ai été le premier à avoir cette idée ». Et donc c'était un vrai problème, parce qu'avec Newton, il y en avait d'autres qui se disputaient la paternité des idées. Et donc, il manquait quelque chose, quelque part, un moyen à la fois de communiquer les découvertes scientifiques, mais un moyen qui aurait pu assez rapidement dire « c'est un tel qui a découvert le premier tel principe, c'est un tel qui a énoncé le premier ou la première », mais le fait est que à 99%, il s'agissait d'hommes à l'époque malheureusement, qui a découvert telle ou telle idée, tel ou tel argument, qui a énoncé tel ou tel argument. Donc ce qui va se passer en fait, c'est un autre personnage, peu importe les noms, un certain Henry Oldenburg, qui était secrétaire de la Royal Society à Londres, une association de savants qui se réunissaient pour discuter de découvertes et d'arguments scientifiques. Et il s'est dit finalement, plutôt que de n'écrire et de ne publier et n'imprimer que des livres, ou n'échanger que des lettres, qui malgré Marin Mersenne parfois se perdaient quand même en cours de route et n'étaient pas archivées systématiquement, pourquoi est-ce qu'on ne, finalement, on ne créerait pas des revues qui seraient des revues dédiées à la science? Et ça, c'est vraiment l'idée géniale. Ici la reproduction à droite, l'idée géniale de ce Henry Oldenburg, c'est de dire, eh bien finalement, je vais mettre sur pied et devenir le premier rédacteur en chef de la première revue savante, qui s'appelait les Philosophical Transactions, qui sont apparues pour la première fois en 1665. 1665, première revue scientifique, Philosophical Transactions. Et là, c'est vraiment bingo, parce que non seulement ça va plus vite de rédiger, de mettre ensemble, de publier une revue, que de publier un ouvrage, un livre complet qu'on va imprimer. Mais également, chaque article manifeste assez rapidement une invention, un argument nouveau, en lui donnant le nom de l'auteur qui a fait la découverte ou qui a énoncé l'argument. Donc grâce à ce système de revue scientifique qui apparaît en 1665, on peut désormais beaucoup plus rapidement dire s'il y a plagiat ou pas. Vous publiez un article scientifique dans les Philosophical Transactions, eh bien vous avez de la preuve, si votre article a été publié avant celui d'un autre, que vous êtes le premier à avoir publié et énoncé une idée, un argument, une découverte empirique. Donc c'est vraiment une révolution, ça, au niveau de la communication scientifique. Ça va plus vite, ça permet d'attribuer la paternité d'une idée, d'une invention, et puis c'est aussi plus aisé à archiver. Encore de nos jours, quand vous devez faire vos références dans votre travail préparatoire aux mémoires, ou bien pour le mémoire même, vous avez remarqué que souvent, eh bien, les revues scientifiques ont des volumes et des numéros. Eh bien, c'est quelque chose qui nous vient de ce XVIIe siècle. On classe tous les articles dans des revues, dans des numéros qui eux-mêmes sont repris dans des volumes. Et tout est bien archivé, tout est bien classé, tout est citable. Et ça, c'est une vraie révolution au XVIIe siècle, l'invention des revues. Alors ici, vous avez un autre journal qui s'appelle le Journal des Savants, en français, en vieux français, vieille orthographe française, qui a été développé la même année. Donc certains disent que c'est en fait le Journal des Savants qui est le plus ancien journal scientifique développé par un monsieur de Salo, enfin peu importe le nom des personnes ici. Mais si on regarde le contenu de ce Journal des Savants, et si on ouvre la première page du premier Journal des Savants, c'est un peu difficile à lire, je ne vais pas vous demander de le lire, mais il nous explique que non seulement il va parler des découvertes, mais aussi de tout ce qui concerne les tribunaux, les décisions des tribunaux. Donc c'est plus large qu'une revue scientifique, le Journal des Savants. C'est aussi une revue juridique, et quand on lit le contenu des articles, parfois on se dit, mais c'est davantage une sorte de France Dimanche scientifique qu'une vraie revue scientifique au sens moderne, parce qu'on énonce par exemple qu'un tel monsieur dans tel pays aurait trouvé, je ne sais pas moi, un animal ressemblant au dragon mythologique ou des choses comme ça. Donc parfois, c'est un peu naïf les articles qu'on y retrouve, tandis que dans le Philosophical Transaction, c'est déjà vraiment une revue au sens moderne du terme, une revue scientifique au sens moderne du terme. Donc retenez peut-être une seule date, 1665, l'apparition de ces revues scientifiques, que ce soit en France avec le Journal des Savants, ou bien avec M. Oldenburg, secrétaire de la Royal Society, et premier rédacteur en chef des Philosophical Transactions. Alors les Philosophical Transactions, c'est assez incroyable, c'est une revue qui existe encore de nos jours, donc elle est toujours publiée, elle existe toujours, elle est toujours disponible, c'est toujours une revue scientifique. Et vous voyez que dès le départ, l'ambition c'était d'être complètement internationale. L'idée c'était pas juste de se résumer aux savants anglais, hein, aux savants britanniques, non, l'idée c'était, en vieil anglais, mais d'avoir un commerce avec toutes les parties du monde et avec toutes les personnes les plus philosophiques et les plus curieuses. Ce qui, dans le langage de l'époque, veut dire des gens savants, des gens qui souhaitent développer la connaissance scientifique. Donc voilà vraiment une révolution vraiment, vraiment importante dans l'histoire de la communication scientifique. Si on résume un petit peu ce qu'on a dit, ça nous permet, ces revues scientifiques, de manière plus rapide que les livres, même si on continue à publier des livres de nos jours encore, évidemment, mais de disséminer la connaissance parmi les pairs, parmi les chercheurs qui s'intéressent au même domaine que vous. La question de la validation des savoirs, on va y revenir, mais une fois que les travaux étaient publiés dans le Philosophical Transaction, quand les différents savants, et pas seulement les Anglais, les Européens se réunissaient à Londres aussi, dans les locaux de la Royal Society, ils se réunissaient, ils discutaient le contenu des articles qui avaient été publiés. Et à ce moment-là, il y avait des argumentations et des contre-argumentations. Ça permettait à Newton de à nouveau s'énerver contre ses collègues, de prétendre qu'on lui avait quand même piqué des idées. Il a fait ça toute sa vie, et à la fin, il a décidé que finalement, il ne publierait plus rien, et ce sur quoi il travaillait devait être publié après sa mort. Enfin, c'est toute une histoire, c'est un caractère vraiment incroyable, mais c'est un très très grand savant. Donc, d'avoir les choses publiées rapidement, ça permettait, dans les sociétés savantes comme la Royal Society, de discuter les articles à intervalles réguliers et d'échanger, d'argumenter, contre-argumenter, faire de nouvelles expériences, vérifier des expériences. C'est à cette époque-là que les savants commencent à créer des dispositifs expérimentaux. Donc tout ça est vraiment imbriqué. Les nouvelles formes de communiquer la science et les nouvelles manières de faire la science. C'est assez important de voir que communication et production des sciences sont vraiment très très liées du XVIIe siècle jusqu'à nos jours. Comme je vous l'ai expliqué, d'avoir des revues encore plus que nos volumens qu'on a vus à Alexandrie au début du cours, ça permet d'archiver d'une manière efficace, ça permet d'accéder au savoir, ça permet, c'est mon exemple de Newton, d'attribuer la paternité, la propriété sur une découverte d'une manière vraiment beaucoup plus efficace, et finalement, ça permet d'évaluer les chercheurs eux-mêmes. Alors, à l'époque du XVIIe siècle, à l'époque de Newton, on était plutôt dans la réputation. Hein. Les savants n'étaient pas, c'était pas une profession d'être savant. Soit vous aviez la chance d'être payé par un grand de ce monde, un prince, un évêque, que sais-je, soit vous étiez rentier, vous aviez un autre métier très bien rétribué sur le côté, et vous pouviez vous adonner à la recherche scientifique. Il n'y avait pas, comme de notre époque, le FNRS qui donne des financements pour faire une thèse, pour avoir un mandat de chercheur dans une université. Mais de nos jours, et on y reviendra aussi, pour évaluer les chercheurs, si vous faites comme métier, comme profession d'être chercheur, eh bien les articles que vous publiez, ou que vous ne publiez pas, mais alors c'est moins bon, sont très très fort utilisés pour vous évaluer, pour voir si vous pouvez commencer une carrière scientifique, si vous pouvez poursuivre une carrière scientifique, ou bien si au contraire, vous n'avez absolument rien publié depuis 5 ans, et dans ce cas-là, on va estimer dans bien des cas que vous n'êtes plus un chercheur productif. Donc le fait d'écrire des articles scientifiques de nos jours, c'est vraiment pour le chercheur une nécessité professionnelle. Celui qui ne publie pas, et en particulier qui ne publie pas d'article, quelque part, il n'existe pas. Alors, ça c'est un petit gag qui vient d'une BD américaine, PhD Comics, c'est une BD qui est fondée sur l'univers des jeunes chercheurs américains qui font une thèse de doctorat, et ça montre bien à quel point les publications sont importantes dans la vie d'un jeune chercheur, mais d'un chercheur tout court. On voit ici un pauvre doctorant, peu importe sur quoi il travaille, mais qui est complètement, complètement désespéré parce qu'il croit que sa recherche est impossible. Enfin, c'est peut-être vous et votre TPM, il n'y a rien qui marche, je ne sais pas comment avancer les trucs. Donc il désespère complètement. Puis il y a quelqu'un qui vient en lui disant, mais tiens, c'est le dernier numéro de ta revue scientifique préférée. Et là, il voit, je ne sais pas si c'est clair ou si c'est un peu flou, mais un article qui porte le nom, il est marqué article avec le même titre que la thèse sur laquelle tu es en train de travailler. Et donc là, on pourrait dire, chouette, le gars va être content, si on est dans un idéal scientifique, Il a toute raison d'être content. Il travaille comme un malheureux, ça ne va pas, et puis il apprend que quelqu'un d'autre a trouvé la solution et l'a déjà publié. Mais le résultat, c'est pas du tout qu'il est super content, évidemment. Le pauvre, il est désespéré parce que sa thèse, on l'a déjà publiée. Donc, à la limite, il peut trouver un autre sujet. Et c'est là qu'on voit à quel point le fait de publier, et en particulier dans une revue scientifique, pour un chercheur, c'est vraiment un marqueur professionnel. C'est sur ça qu'on va l'évaluer, c'est sur ça qu'on va juger de sa contribution aux connaissances et à la science, en tout cas, principalement sur ça. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, si on vivait dans un monde idéal, si vous découvrez que quelqu'un a déjà dit tout ce que vous espériez dire avant vous, mais plutôt qu'être content et dire « chouette, je ne dois plus travailler sur ça », vous allez être complètement désespéré parce que finalement, vos efforts, s'ils n'ont pas été publiés, c'est malheureux à dire, mais c'est presque comme s'ils ne comptaient pas. Donc vraiment, voilà un dernier rôle de ces revues scientifiques. Elles servent à construire la carrière des chercheurs, elles vont servir à l'évaluer et à juger de son impact sur la production des connaissances, de son importance. C'est plus ou moins clair? N'hésitez pas à dire quelque chose de pas clair ou des questions à poser. Je vous ai dit tout à l'heure que la connaissance scientifique, le fait de produire des connaissances, que ce soit en sciences humaines comme en sciences de la communication, en art du spectacle, ou que ce soit dans les sciences de la nature, c'est pas quelque chose qu'on fait tout seul. Alors parfois, oui, il y a des chercheurs qui peuvent travailler tout seuls sur un livre, et dans notre discipline, c'est plus souvent le cas qu'en physique, par exemple en physique quantique, on a publié récemment un article où il y avait, je pense, plus sûr du chiffre exact, mais quelque chose du genre comme 279 co-auteurs à l'article. Donc vous voyez, c'est une liste comme ça de co-auteurs, ça veut dire qu'on compte tous les gens qui ont à un moment travaillé sur le dispositif expérimental, qui ont fait une mesure, qui ont transmis une mesure, ils sont tous considérés comme des co-auteurs. En sciences humaines, soit on écrit tout seul, soit on est deux, trois, quand c'est des projets internationaux, on peut être cinq ou six. J'ai aucune connaissance d'une recherche dans notre discipline, il y aurait 279 auteurs. Ça, c'est une grosse différence entre les sciences de la nature et les sciences humaines. Mais ce qui est tout à fait commun aux sciences de la nature et aux sciences humaines, c'est que ce n'est pas nous tout seuls en tant que chercheurs qui allons décider que notre article est de bonne qualité et qu'on peut le publier et que les autres chercheurs peuvent s'en servir, ou les doctorants ou les gens qui font un mémoire peuvent s'en servir pour construire un travail dessus. Non, on n'est pas tout seul à décider de la qualité. Alors comment ça se passe très concrètement, l'évaluation de la qualité d'un article avant qu'il soit publié ? À l'époque d'Oldenburg, je vous ai dit, c'était relativement simple, on publiait très très rapidement. Henri Oldenburg, et après une petite équipe autour de lui, mais ça restait quand même très centré sur sa personne, lisait les articles qu'on lui envoyait, donc il recevait des articles de Newton, des articles de Robert Hooke, enfin tous les savants du XVIIe siècle, et il disait, ça m'a l'air bien, on va le publier, et puis comme je vous disais, en séance, là on voit directement que le travail est fait. Ça, c'est la... Bon. Donc Henri Oldenburg décidait que des articles pouvaient être publiés. Ils étaient publiés et puis quand tous ces gens, Newton, Hooke, des savants français, etc., se réunissaient à Londres tous les deux mois en assemblée pour la Royal Society, eh bien ils discutaient, comme je vous disais, des articles. Mais ce système va changer au fur et à mesure du temps jusqu'à notre époque. Et plutôt que discuter après que les articles ont été publiés pour discuter s'ils sont de bonne qualité ou pas, il y a un moment où on s'est dit, tiens, est-ce que ça ne serait pas plus intelligent de discuter avant de les publier ? Parce que c'est bien de publier très vite pour accorder une paternité à l'idée, mais d'un autre côté, si l'idée est bidon et n'est pas solide scientifiquement, peut-être qu'on ferait mieux de la discuter avant de la publier. Et cette idée a fait son chemin tout au long du 18e, du 19e et du 20e siècle. Et de nos jours, c'est ce qu'on appelle la revue par les pairs, en anglais le peer reviewing. Et ça c'est assez important, pour ne pas dire très important, parce qu'il y a une grosse différence entre les revues qui pratiquent une revue par les pairs, qui pratiquent le peer reviewing, et les revues qui ne le pratiquent pas. Alors je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir un bon travail dans une revue qui ne pratique pas la revue par les pairs. Mais n'empêche que c'est quand même un critère de qualité important qui est une revue par les pairs. Alors comment ça se passe ? Ben, mettons-nous en situation. Très concrètement, bon, moi je suis vraiment un chercheur à temps très partiel, donc je publie très très peu, mais les fois où ça m'arrive, j'ai écrit un bel article, un article que moi je trouve beau, mais ça ne suffit pas évidemment, je suis tout content d'être arrivé au bout de mon effort. Soit c'était une réponse à une demande de contribution, et je sais qu'il va y avoir un numéro, bon, moi je travaille sur la communication scientifique et justement l'évaluation des chercheurs, je sais qu'il va y avoir un numéro, et je l'envoie à cette revue particulière, soit je l'envoie à une revue qui s'intéresse aux questions d'histoire ou de communication des sciences, en disant, cher monsieur le rédacteur en chef, je vous envoie mon article, et j'attends, je ne dis pas ça comme ça, et j'attends vos nouvelles, mais c'est standardisé, maintenant vous mettez votre article en ligne sur le site de la revue scientifique, etc. Première étape, le rédacteur en chef, qu'on appelle en anglais, c'est un faux ami ici, le editor, va regarder mon article et va se dire, soit cet article est intéressant, mais il ne sera pas bien dans ma revue. Ma revue ne travaille pas sur la communication scientifique, j'invente vraiment n'importe quoi, mais c'est une revue purement de sociologie des sciences. Et va dire, ce monsieur-là qui me propose un article où il travaille sur la communication scientifique, ça a l'air pas mal son truc, ça a pas l'air complètement débile, mais c'est pas ce qu'on publie dans notre revue. Donc je vais être sympa en tant que rédacteur en chef, je vais dire, cher monsieur Van Elsbeek, je vous remercie de votre envoi, mais nous ne sommes pas une revue qui diffusons des articles sur la communication scientifique, puis-je vous conseiller si la connaissance d'une autre vie va parfois me réaiguiller, hein? Bon, ok, c'est un cas de figure. Autre cas de figure, il trouve ça tellement désespérément nul qu'il ne va même pas le transmettre à des pairs pour une évaluation. Et là, il va me dire, hein, en fonction de son caractère, « Monsieur Van Elsbeek, j'avais vu un débile comme vous, vous feriez mieux d'aller vendre des crêpes au chocolat, ou que sais-je » Ou il va me dire, plus poliment, bah, « Écoutez, votre article ne peut pas être publié en l'état, etc. » Premier filtre, le rédacteur en chef. Mais en général, vous n'avez quand même pas envoyé votre article à n'importe quelle revue, vous savez que ça correspond quand même à ce qui est publié normalement, et le rédacteur en chef va envoyer votre article scientifique. Vous pouvez essayer, hein, si votre mémoire, vous le trouvez vraiment bien, vous pouvez essayer de publier un article scientifique au départ du mémoire. Hein, ça c'est déjà vu et ça peut être un objectif un peu excitant. Le rédacteur en chef va l'envoyer alors vers les référistes, les relecteurs, ceux qui vont faire la revue par les pairs même. Ce sera deux ou trois personnes qui sont spécialisées idéalement dans votre domaine. Donc si j'envoie un article sur la communication scientifique à l'époque d'Oldenburg, ben, il va essayer de trouver deux ou trois reviewers qui ont des connaissances en histoire de la communication scientifique, et il va leur envoyer mon article. Alors ce qui se fait plus souvent, il va l'envoyer en double aveugle, c'est-à-dire que mes relecteurs ne sauront pas qui je suis, et moi je ne saurai pas qui sont mes relecteurs. Il peut y avoir des variations, hein. Parfois les relecteurs, les peer reviewers savent qui vous êtes, et vous ne savez pas qui ils sont, et parfois c'est juste l'inverse. Mais très souvent le système pratiqué c'est le double aveugle. Et pourquoi on fait du double aveugle? C'est ça évite que vous, en tant que chercheur, si quelqu'un vous fait une critique très acerbe et qu'une semaine après vous la rencontrez dans une conférence, évidemment vous ne devenez pas ennemi parce que vous ne savez pas que c'est la personne qui vous a fait ce commentaire acerbe. Donc c'est pour éviter de personnaliser les choses, et du côté du reviewer, c'est pour lui permettre de vraiment faire une critique sur le fond et pas une critique de personne. S'il déteste la personne qui voit un article, ben, comme il ne sait pas qui c'est, il n'est pas influencé par le jeu de personne. Donc c'est ce qu'on appelle la revue par les pairs en double aveugle. De là peut se passer trois choses. Alors il y a la situation merveilleuse, mais qui est rare, c'est que les pairs vont trouver ça tellement formidable que ça peut être publié directement. Ou alors c'est que vous avez choisi une revue tellement nulle qui publie tout sans beaucoup de filtres, ça peut arriver aussi. Mais bon, vous êtes vraiment très très bon, mais c'est quand même relativement rare, ça arrive, mais c'est rare qu'on vous réponde, cher monsieur, ou alors vous travaillez en co-auteur avec quelqu'un qui est rédacteur en chef de la revue, mais ça c'est pas très scientifique. Ce ne sont pas les bonnes revues qui pratiquent du copinage. Normalement, c'est contrairement, évidemment, contraire à l'esprit scientifique de copiner pour faire passer des articles. Et je ne dirais pas que ça ne se passe jamais, mais ça ne se passe pas souvent, heureusement. Donc, meilleur des cas, vous êtes accepté, vous êtes tout content, l'article va être publié. Pire des cas, vous recevez des deux ou trois reviewers, les opinions telles que rassemblées, synthétisées par le rédacteur en chef. C'est pas bon, il y a trop de défauts, c'est pas publiable en l'état, et là, vous n'avez plus qu'à pleurer pendant deux jours et vous remettre à faire autre chose quand vous avez surmonté votre déception. Le plus fréquent, c'est que les reviewers, par l'intermédiaire du rédacteur en chef, vous proposent de faire des modifications. Ils vont vous dire, ok, votre article est intéressant, mais il faut changer ça, ça, ça, ça et ça. Alors là, vous avez deux possibilités. Soit vous essayez de contre-argumenter, mais enfin, il faut alors vraiment de très bons arguments pour expliquer aux reviewers pourquoi vous n'êtes pas d'accord. On peut parfois le faire. Dans bien des cas, il vaut mieux essayer de pas trop se braquer. La première réaction, c'est de se dire, mais quelle bande de crétins, enfin, ils ne comprennent rien à mon sujet, comment ils se permettent de me conseiller de faire ci ou de faire ça. Dans bien des cas, il faut être un peu humble et reconnaître qu'il y a de bonnes idées dans ce qu'ils suggèrent, et au moins, pour partie, reprendre leurs idées et soumettre une nouvelle version. Et parfois, ce jeu peut se faire en plusieurs rangs. Vous réenvoyez une nouvelle version, ils vous refont des commentaires, et c'est vraiment là qu'on voit ce que je disais tout à l'heure, que publier un article scientifique, c'est un travail collectif. C'est votre travail en tant qu'auteur et chercheur, mais il bénéficie très très largement des commentaires, des critiques que vous avez pu recevoir des peer reviewers. Donc c'est important de voir ce côté collectif, très social, hein, du peer reviewing. Donc finalement, ce qui se faisait à l'époque d'Oldenburg, dans des séances en public après la publication, où tout le monde discutait les articles, eh bien maintenant ça se fait avant de publier par ce jeu des peer reviewers qui vous donnent un avis et que vous essayez de suivre. Et finalement, c'est publié. Alors évidemment, le problème, c'est que comme il y a énormément de chercheurs qui veulent publier énormément parce que leur carrière dépend de leur publication, il y a parfois une saturation du marché de l'édition. Et parfois, il faut plusieurs mois, voire parfois plusieurs années, avant qu'un article accepté ait été finalement publié. Donc ça, c'est le système du peer reviewing. Ça, j'insiste vraiment parce que même, par exemple, en tant que journaliste ou communicateur, si vous n'êtes pas chercheur, je pense que c'est une distinction qu'il faut connaître quand on parle de revue scientifique, de bien comprendre ce que ça veut dire une revue avec une revue par des pairs. Alors en disant qu'il faut bien connaître, je ne vous dis pas que c'est la question de l'examen, mais c'est vraiment le point que j'aime bien dans la séance sur la communication scientifique. C'est la revue par des pairs. Est-ce que c'est bien clair ce principe de revue par des pairs ? Ok, pour en terminer avec cette question des revues scientifiques et de leurs différents rôles, je vais revenir brièvement sur cette question de, c'est ce qu'on vient de discuter, hein, de l'évaluation des chercheurs par ce qu'ils publient. Ben, ce qu'on va faire quand on évalue un chercheur, on ne fait pas que ça évidemment, on va aussi lire ce qu'il a produit et juger d'un point de vue un peu qualitatif si c'est stimulant ou pas, mais on va compter ces articles, on va aussi compter, et ce n'est pas toujours une très bonne chose, combien de citations ont été faites aux articles d'un chercheur. Alors le raisonnement qu'il y a derrière cette manière de faire, c'est de se dire que plus vous êtes cité, mieux vous êtes un bon chercheur, enfin, mieux vous êtes un bon chercheur, meilleur chercheur vous êtes, c'est plus correct en français. Donc on a cette idée que si, par exemple, je ne sais pas moi, Cassandre publie un article et il y a 350 citations, et que moi je publie un article et que 10 ans après il y a deux types qui m'ont cité, ou même pire, personne, ça arrive, une quantité d'articles ne sont jamais cités, ça je vous assure c'est un peu déprimant quand vous allez voir après, vous dites, ok, ça fait 10 ans que j'ai publié ce truc, il n'y a toujours personne qui a cité ce truc. Pourtant c'est bien, voilà, bon, mais vous croyez que c'est bien en tout cas, c'est quand même important aussi. Donc, l'idée c'est que quelqu'un qui a beaucoup de citations est d'office un chercheur de meilleure qualité que quelqu'un qui en a peu. Est-ce que ça vous paraît correct comme raisonnement, juste en réfléchissant comme ça? Et surtout, pourquoi c'est pas nécessairement, en posant la question, c'est que je sais que c'est pas nécessairement 100% correct, mais qu'est-ce qui pourrait être critiquable dans cette idée? Il y a deux aspects dans ce que vous dites, vous avez tout à fait raison. Il y a en recherche ce qu'on appelle des fronts de recherche, et peut-être encore plus dans les sciences de la nature que dans les sciences humaines, c'est-à-dire certains sujets qui, pour différentes raisons, et parfois des raisons juste qu'il y a beaucoup de financements disponibles pour mener des recherches dans ce secteur-là, elles attirent beaucoup de chercheurs parce qu'il y a beaucoup de sous disponibles, du coup il y a beaucoup de publications et beaucoup de gens qui se citent. Si vous, vous êtes un peu en marge avec un sujet non moins intéressant, mais qui n'est pas dans un de ces fronts de recherche, d'office vous risquez d'être moins cité, même si ce n'est pas de moins bonne qualité. Puis il y a des disciplines où il y a des centaines de chercheurs sur un sujet, dont vous êtes beaucoup cités. Hein, si vous travaillez honnêtement, moi je n'ai jamais fait d'article là-dessus, mais imaginons un article sur, je ne sais pas moi, j'avoue vraiment n'importe quoi là, parce que je ne sais même pas si ça existe, mais la biographie d'un des archivistes de la bibliothèque d'Alexandrie. Bon, c'est hyper pointilleux comme sujet. Peut-être qu'il y a deux types sur la planète que ça va intéresser et qui vont peut-être me citer, mais donc la possibilité d'être cité est déjà beaucoup plus restreinte que si je travaille sur un sujet où des centaines de chercheurs sont complètement sur la brèche pour faire avancer les connaissances. Donc vous avez tout à fait raison, on pourrait trouver d'autres arguments. Parfois on cite pas parce qu'on trouve que la chose à citer est de très bonne qualité, mais parfois on peut citer pour dire qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose justement. Donc vous voyez, citer ne veut pas nécessairement dire que ce qu'on cite est de bonne qualité. Donc il y a déjà ce biais-là qui est important, il y en a d'autres, hein, mais c'est vraiment les principaux. Et donc c'est un vrai problème, c'est auquel je voudrais juste un peu vous sensibiliser, on n'a pas le temps d'aller dans les détails, mais ce fait de citer les articles et les citations aux articles a pris une importance énorme, non seulement quand on évalue des chercheurs pour leur permettre d'avoir une carrière ou pas, c'est pas le seul critère, mais ça a pris vraiment une importance qu'on pourrait juger, en tout cas de mon point de vue, parfois un peu excessive. Et puis l'autre problème, c'est que comme des poupées russes, tous les niveaux sont il y a différents niveaux qui sont encastrés les uns avec les autres, puisqu'on compte les citations aux revues, et on fait des rankings, des classements des revues, depuis les revues qui sont les plus citées jusqu'aux celles qui sont les moins citées. Et puis, vous avez sûrement déjà entendu parler des classements des universités, hein, qui sont très médiatisés, la meilleure université, Harvard, MIT, ah tiens, l'ULB a perdu 60 places par rapport à l'an passé dans le classement du Times ou dans le classement de Shanghai, c'est très médiatisé chaque année, ces rankings des universités. Eh bien, il faut se dire, quand on fait le calcul, que pour 60% environ de la place que vous avez dans ces rankings en tant qu'université, c'est basé directement ou indirectement, sur le nombre de citations aux articles publiés par les chercheurs. Donc ces citations, elles sont super importantes, et souvent les lecteurs de la presse grand public ne réfléchissent pas à ça, parce qu'on ne leur explique pas, ils se disent, tiens, ça veut dire que telle université dans l'absolu est moins bonne que telle autre. Non, ça veut dire que dans telle université, les travaux publiés par les chercheurs sont plus cités. Donc vous voyez déjà ces rankings des universités, il faut prendre ça un peu avec un grain de sel. Je ne dis pas que ça ne signifie rien, mais c'est vraiment fondé sur la recherche et très peu sur l'enseignement, la qualité de l'enseignement. Et c'est surtout fondé sur le nombre de citations aux articles. Donc ce système sert à évaluer des chercheurs, mais finalement il sert aussi à évaluer des universités et à donner l'idée au grand public que telle université est dans l'absolu meilleure ou moins bonne que telle autre. On peut même aller plus loin. Dans mon travail principal, je travaille régulièrement sur les politiques scientifiques au niveau européen. Et je suis toujours assez surpris de voir, en même temps c'est pas facilité parce qu'il n'y a pas des tas d'indicateurs disponibles, mais quand on compare les systèmes d'éducation, mais même les systèmes de recherche entre les différents pays européens, ou même au niveau de l'OCDE, au niveau mondial, eh bien cet indicateur du nombre de citations aux articles, il est aussi très important. Donc vraiment, les citations aux articles, dans la manière dont on évalue les chercheurs, dont on évalue la recherche, dont on évalue les universités, et même je dirais dont on évalue les systèmes nationaux de recherche, c'est un indicateur qui a pris une énorme importance, et sans doute, comme on venait de le dire, deux raisons, les biais qu'on avait mis en évidence tout à l'heure, on pourrait se dire, est-ce que la citation est vraiment cet indicateur de qualité absolue? Sans doute pas. Mais je ne vais pas développer plus avant, c'est juste vous faire un peu réfléchir à cette question dans le cadre de cette leçon. Et puis le système, il est aussi un peu biaisé, non seulement parce que, comme on a dit, en fonction du sujet, on ne va pas citer autant, et puis on ne cite pas nécessairement parce que le travail qu'on cite est de qualité, mais au-delà de ça, les outils qui servent à calculer les citations, ce sont des très grosses bases de données internationales, peu importe leur nom, je ne vais pas développer ça ici, mais qui sont quelque peu biaisées parce qu'elles favorisent très très fort les publications qui sont publiées dans les grandes revues savantes anglo-américaines, qui sont des revues de grande qualité, mais qui ne couvrent pas tout ce qu'on peut publier en termes scientifiques de par le monde. Donc par exemple, non seulement bien sûr les pays du tiers-monde ou les pays d'Amérique latine où ça sont très très peu représentés, en tout cas leurs publications, leurs revues scientifiques sont peu présentes dans ces grandes bases de données, donc il y a une sorte de biais un peu centré sur l'Occident, les États-Unis, l'Angleterre. Mais en plus, ceux qui tirent très bien leur épingle de ce jeu-là, c'est les tout gros éditeurs scientifiques, comme vous avez déjà entendu parler, Springer, Elsevier, des tout gros multinationales de l'édition scientifique, qui elles sont très très bien représentées dans ces bases de données, sur base desquelles on calcule les citations faites aux articles. Donc je voulais juste vous sensibiliser, il ne faut pas retenir les détails ici, mais qu'on est dans un système qui est fondé sur un calcul de citations, lui-même calculé au départ de bases de données internationales, qui valorise quelques très grands éditeurs, qui valorise le travail scientifique en anglais, dans les sciences humaines, plutôt qu'en français, en néerlandais, en allemand, que sais-je, donc qui introduit une forme de biais. Je ne dis pas du tout que les articles très cités ou les revues qui ont beaucoup de citations sont mauvaises, Science, Nature et tout ça, ce sont de très bonnes revues, il faudrait être débile pour prétendre le contraire. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que ce système est biaisé, favorise quelques très grands éditeurs internationaux qui sont cotés en bourse et qui sont redevables de leurs actionnaires et qui, c'est le point suivant, coûtent très très cher en termes d'abonnement. Donc le système est un peu biaisé, c'est ça sur quoi je voudrais vous sensibiliser, ce système d'évaluation des chercheurs et de la recherche sur base des publications, des articles et des citations est biaisé à l'échelon global. Et non seulement il est biaisé parce que je vous dis, il favorise les articles en anglais publiés dans par des grands éditeurs internationaux, mais ces grands éditeurs internationaux, il ne faut pas croire que ça vous coûte le prix d'un abonnement à Spirou pour lire Nature, Science ou les grandes revues, particulièrement dans les sciences médicales. Pour vous donner une idée, à l'échelon européen, pour les universités européennes, pour payer les abonnements aux revues scientifiques, je parle bien de toutes les universités européennes, je ne parle pas que de l'ULB, tous les 10 jours, ils payent l'équivalent d'une Porsche. Alors vous allez dire, il y a plusieurs Porsche, moi je n'y connais rien en bagnole, enfin vous imaginez la Porsche standard, ou je ne sais pas combien ça peut coûter, mais ça coûte cher en tout cas. Tous les 10 jours, les abonnements scientifiques aux revues scientifiques, et en particulier à ces grandes majors de l'édition scientifique comme Springer, Elsevier, ça coûte aux universités une Porsche tous les 10 jours. C'est quand même assez impressionnant. Faites le total sur une année, ça fait beaucoup de sous. Donc, il y a un petit souci à ce niveau-là, et on constate que depuis quelques années, même les grandes universités qui ont de gros financements aux États-Unis, puisque nos universités en Belgique francophone, elles ont des financements, mais pas comparables au MIT, à Harvard ou aux grandes universités britanniques non plus, eh bien même ces universités commencent à ne plus réussir à s'abonner aux grandes revues scientifiques, tellement l'augmentation annuelle des prix est prononcée. Il y a une augmentation des bénéfices de ces grands éditeurs comme Springer, Elsevier, Wiley, Taylor et Francis d'environ 5 à 10% chaque année. Alors il n'y a aucun autre secteur des médias où les chiffres d'affaires augmentent à une telle cadence année après année. Donc évidemment, là, il y a certains chercheurs qui à un moment se sont dit, mais ça pose un problème, ça coûte trop cher d'accéder à l'information scientifique chez ces grands éditeurs. Et c'est ce qu'on a appelé, c'est l'origine du mouvement, dit pour le mouvement pour l'open access aux publications scientifiques. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Dans les années 90, face à cette augmentation des prix que je viens d'écrire, on a une série de bibliothécaires et de chercheurs qui se sont dit, mais finalement, pourquoi devrions-nous continuer à payer autant les grands éditeurs, alors que finalement nous sommes ceux et celles qui écrivons les articles, c'est nous qui faisons le peer reviewing dont je vous parlais tout à l'heure, et c'est nous qui sommes les lecteurs. Or, un chercheur n'est pas payé par une maison d'édition pour publier un article scientifique. Si moi je publie un article scientifique, on ne va pas me donner un bal de plus. Hein. Je fais ça, entre guillemets, gratuitement. Je serai éventuellement payé par mon université en tant que chercheur, mais l'éditeur, pour lui, c'est bingo. Hein. Il publie votre article et il ne vous paye pas. Ce n'est pas comme si vous écrivez une nouvelle... Je pense que vous, je pourrais prendre un truc un peu plus moderne, mais enfin, ce n'est pas comme si vous écrivez dans un journal normal ou dans une revue, vous n'êtes pas payé pour l'article scientifique. Vous êtes payé en tant que chercheur à votre université, mais pas pour l'article. Et les chercheurs se sont dit, mais finalement, et les bibliothécaires se sont dit dans les années 90, fin des années 90, début des années 2000, finalement, on a la technologie numérique, on a l'Internet. Pourquoi continuer à payer des sommes absolument folles? Pourquoi payer une Porsche tous les 10 jours aux grands éditeurs scientifiques si on pourrait essayer de faire tout ça nous-mêmes? Et c'est le mouvement pour l'open access. Et donc ce mouvement, sans rentrer dans les détails, mais c'est un mouvement qui consiste soit à publier des revues, mais qui coûtent beaucoup moins cher à l'usager, en open access. Donc c'est des revues que n'importe qui, du moment qu'il a une connexion Internet, pourra lire sans devoir payer d'abonnement. Donc le chercheur publie, la revue est publiée, et cette revue, elle est accessible, vous avez une connexion Internet, vous pouvez lire tous les articles. Même si vous n'êtes pas étudiant à l'ULB, même si vous n'avez pas de connexion EasyProxy, okay, enfin voilà, vous avez compris. Même si vous n'avez pas de connexion, vous pouvez lire partout dans le monde ces articles gratuitement. Ou bien, l'autre mouvement, et on a ça à l'ULB aussi, mais dans les autres universités belges, francophones aussi, c'est créer des grands répertoires dans les universités qui permettent d'archiver les travaux faits par les chercheurs et de les mettre gratuitement à disposition du public. Donc voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, les modèles sont un peu plus compliqués que ça, mais ce qui est important, c'est de bien comprendre l'articulation. Une augmentation des tarifs proposés par les éditeurs scientifiques, des chercheurs qui ont de plus en plus de mal, et surtout des bibliothécaires. Au début, les chercheurs, ils s'en foutaient. Tant qu'ils avaient l'accès, ils ne savaient pas combien ça coûtait. C'était les bibliothécaires qui étaient aux premières lignes de ces problèmes-là. Puis l'idée, finalement, pour avoir un autre modèle qu'on appelle l'open access, soit publié en open access, c'est dans une revue open access, c'est gratuitement accessible à tout le monde, soit déposé sur une archive numérique, sur une base de données numérique dans l'université, et les travaux sont là aussi disponible gratuitement à tout qui a une connexion Internet. Voilà. Donc c'est une évolution quand même très importante, l'open access, et je crois que quand on est étudiant, évidemment pour vous, vu le fait que vous êtes étudiant, vous avez accès à tout ce que l'université achète, enfin tout ce à quoi l'université est abonnée, moyennant des frais d'abonnement parfois très élevés, mais imaginons que vous soyez chercheur indépendant, vous soyez professeur du secondaire, vous soyez journaliste et que vous ayez envie d'accéder à des articles scientifiques hein, pour un peu vérifier certaines choses ou basé sur des évidences scientifiques certaines choses, mais si vous n'avez pas un abonnement payé par votre université, vous n'y accédez pas. Grâce à l'open access, non seulement un chercheur, qu'il soit en Belgique, en France, dans le tiers-monde, en Amérique latine, en Inde, peu importe, il peut accéder aux travaux gratuitement, mais aussi toute personne intéressée en dehors de l'université. Donc je crois vraiment que cet open access, c'est quelque chose d'important et une évolution importante. Évidemment, les grands éditeurs scientifiques ont réagi et ils ont développé eux-mêmes des modèles open access. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ils ne sont pas stupides. Ils essaient maintenant de faire payer le chercheur, non pas pour des abonnements en revue, mais on paye quand on publie un article. Donc c'est celui qui écrit l'article qui doit payer pour être publié, et on ne paye plus pour s'abonner à une revue. Et ils proposent des frais liés à la publication tellement élevés qu'en fait, avec l'open access, ils peuvent encore gagner plus qu'avec leur modèle traditionnel. Enfin voilà, il y a des conflits, tout ça ne se passe pas de manière unilatérale. Donc voilà. je tenais vraiment à terminer, pas tout à fait terminer, je vous parle de la communication scientifique en dehors du milieu des pairs, mais s'il fallait vraiment résumer les choses essentielles ici, c'est de bien voir que la communication scientifique, c'est quelque chose de collectif, en particulier du fait qu'il y a cette revue par les pairs. Le chercheur n'est pas le seul à décider de la qualité de son travail. Il y a ce système de revue que je vous ai décrit, qui nous vient du XVIIe siècle, mais au XVIIe siècle, ça se passait après la publication en séance, et de nos jours, ça se passe avant qu'on publie par le système que je vous ai expliqué. Je vous ai expliqué la montée des prix des grands éditeurs pour s'abonner aux revues, en réaction depuis une quinzaine d'années, ce mouvement pour l'open access. Pour le moment, c'est un peu l'incertitude. Le modèle de publication, je pense qu'on est en fait franchement à une époque comme au XVIIe siècle, quand on a inventé la revue. Au XVIIe siècle, ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème. Les chercheurs se chamaillaient sur la place publique pour savoir qui avait la paternité d'une idée, d'un argument, d'une découverte. Mais à notre époque, c'est un autre problème. L'accès à l'information scientifique est devenu beaucoup trop cher et profite à beaucoup trop peu de grosses majors de l'édition. Donc il y a un nouveau problème. Je suis persuadé que d'ici 5 à 10 ans, on sera dans un autre modèle de publication scientifique qui est en train de changer pour le moment. Donc on est peut-être à une nouvelle période de changement important. Ok. Est-ce que c'est clair ce que j'ai raconté sur la communication scientifique du point de vue des chercheurs? Ok. Je voudrais terminer. Parce que bien sûr, et avec l'open access, j'en ai déjà dit un mot, la connaissance scientifique, elle est importante pour les chercheurs. C'est comme ça qu'on peut construire de nouveaux travaux, de nouvelles recherches. On cite, on fait référence, je crois que vous l'avez bien compris maintenant avec les TPM et toute l'assistance qu'on met sur le fait de faire des revues de la littérature et des cadres théoriques où on va faire la généalogie des concepts et des notions qu'on utilise et des auteurs qui les ont développés. Mais c'est quand même important, en tout cas de mon point de vue, que la connaissance scientifique, elle touche d'autres publics que les chercheurs. Si ça ne concernait que les chercheurs entre eux, ce serait un peu dommage. Donc l'open access dont je viens de vous parler, c'est un moyen d'ouvrir, de rendre accessible gratuitement les connaissances scientifiques à un public plus large. Mais il y a d'autres moyens. On ne va pas les développer, mais je voudrais simplement les présenter pour qu'on ait une idée un peu complète ici de la communication scientifique. Mais il y a d'abord la médiatisation de la recherche avec les journalistes. Alors il y a des journalistes scientifiques. Alors en Belgique, il y en a très peu, hein. Forcément, la situation économique de nos quotidiens et de nos journaux d'information n'étant pas absolument florissante, il n'y a plus vraiment de journalistes en Belgique francophone qui ne fassent que de l'information scientifique. Ils vont combiner ça avec d'autres spécialisations. En France, vous avez encore des journalistes scientifiques. À Libération, il y a un journaliste scientifique qui ne fait, pour ainsi dire, que ça. Au Monde, il y a un journaliste qui ne fait que de l'information scientifique. Mais en Belgique, ça n'est pas le cas. En tout cas dans la presse quotidienne. Quand les journalistes médiatisent de la recherche scientifique, une chose qui apparaît assez clairement, si on analyse un peu ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont pas à la base la même manière de communiquer que les scientifiques. Pour un scientifique, une chose peut être publiée, je crois que vous l'avez compris maintenant, quand il y a une revue par les pairs, qu'on a validé le fond, qu'on a validé la qualité du contenu. Tandis qu'un journaliste, je simplifie très fort ici, mais face à un problème de société, il va plutôt s'attacher à mener une enquête et à médiatiser les différentes opinions, les différents points de vue sur ce problème. Ce qui fait que quand des journalistes médiatisent la science, il peut arriver qu'ils donnent voix au chapitre à des chercheurs très minoritaires, qui peut-être par rapport à leurs pairs ne sont pas considérés comme des chercheurs valables, qui peut-être ne publient pas dans des revues avec revues par les pairs, mais le journaliste va se dire, je dois donner la parole aux différents points de vue, hein, aux différents types d'arguments sur un problème, et va donner donc la parole à des chercheurs qui parfois dans leur champ de recherche sont très minoritaires. Alors, je pense à par exemple des controverses comme celle sur le climato-scepticisme, hein, où dans les médias, on va parfois donner... Non, ça a un peu changé, mais en tout cas dans un premier temps, on donnait presque autant de temps de parole à un chercheur climato-sceptique qu'à un chercheur non climato-sceptique. Or, du point de vue scientifique, il y a beaucoup plus d'articles qui sont non climato-sceptiques que climato-sceptiques. Donc là, on voit que la logique du journalisme qui cherche à médiatiser les différents points de vue, les différentes opinions sur un problème de société, n'est pas tout à fait la même que celle des chercheurs qui cherchent à le plus objectivement possible, revoir par les pairs des articles et publier ce qui a été jugé valide d'un point de vue scientifique. C'est ce qui explique parfois les controverses, hein, autour, je parlais du climato-scepticisme, mais on pourrait trouver d'autres controverses dans les médias. Quand on parle de la science, c'est souvent parce qu'il y a des controverses et que les journalistes font débattre différents types de chercheurs sur une question. Ça, c'est le point de vue des journalistes, la médiatisation de la recherche. Il y a des journalistes qui travaillent à médiatiser la recherche scientifique. Mais ce qui s'est aussi très fort développé, on va dire, ces 10-15 dernières années, c'est que les centres de recherche, les universités, sont dotés de services de relations publiques tout à fait professionnels. Il y a 20 ou 25 ans, il y avait des relations presse dans les universités, mais vous n'aviez pas des services aussi développés que de nos jours, comme à l'ULB notamment, pour travailler les relations avec les journalistes. Et donc vous avez dans toutes les universités maintenant des gens dont le métier est de médiatiser auprès des journalistes les chercheurs de leur université, en communiquant sur les découvertes qui ont été faites, en essayant d'avoir de l'espace médiatique, pas uniquement pour l'intérêt de la science dans l'absolu, mais pour l'université à laquelle ils appartiennent, pour donner de la visibilité et une bonne réputation à leur université. Alors j'ai pris un exemple, pas sûr que c'est tout à fait lisible, ça date un peu, c'est 2010, mais c'est une des premières fois qu'on a observé quelque chose qui s'est répandu depuis lors, c'est un communiqué de presse de la NASA. Donc on est en novembre 2010, on fait un petit flashback dans le temps. Et ce communiqué de presse annonce aux journalistes qu'une conférence de presse va avoir lieu pour présenter ce qui est décrit ici comme une grande découverte dans le domaine de l'astrobiologie. Alors l'astrobiologie, c'est l'étude de traces de vie en dehors de la Terre. Okay ? Et ils présentent dans ce communiqué de presse le fait qu'il y a une grande découverte qui a été faite et qu'ils ont mis l'article scientifique à publier dans Nature, qui est une de ces toutes grandes revues scientifiques dont on parlait tout à l'heure. Ils ont mis un embargo et ils vont d'abord faire une conférence de presse avec les journalistes et puis seulement publier dans la revue scientifique. Donc vous voyez, d'abord informer les journalistes et puis publier l'article scientifique pour donner évidemment le plus de médiatisation possible à la NASA et à ses chercheurs. Alors, évidemment, là, ce qui était un peu particulier, c'est qu'ils ont mis toute une mise en scène. Il y avait une web TV, il y avait moyen de suivre ça directement ou indirectement, conférence de presse. Et finalement, c'était une découverte intéressante. Mais ce qu'ils avaient découvert, c'était la possibilité qu'il y ait un milieu de vie favorable à telle ou telle bactérie sur telle ou telle exoplanète. Donc, ça n'était pas du tout qu'ils avaient trouvé une trace d'IT sur la face cachée de la Lune, évidemment. Et la manière dont ils communiquaient pouvait laisser penser qu'ils avaient fait une découverte absolument incroyable. Donc, il y a vraiment un travail de relations publiques maintenant dans les institutions de recherche, dans les universités qu'on n'avait pas auparavant et qui vise tout simplement à attirer l'attention du public, attirer l'attention du journaliste. Et évidemment, on peut se poser la question, est-ce que ça doit aller jusqu'à donner la primauté à l'information vers le journaliste avant de publier dans la revue scientifique? Ou bien est-ce qu'il ne vaut pas mieux d'abord publier dans la revue scientifique et puis communiquer vers les journalistes et le grand public? Donc c'est une vraie question, moi je n'ai pas de réponse, mais c'est aussi une évolution assez importante ces 10-15 dernières années, de plus en plus de relations publiques des institutions scientifiques. Alors il y a les journalistes scientifiques dont on vient de parler, il y a les relations publiques des universités et des centres de recherche, et puis il y a encore quelques autres modes pour communiquer la recherche vers le public non scientifique, non académique. Il y a tout ce qu'on appelle la vulgarisation scientifique, il y a les encyclopédies. Alors, traditionnellement, vous savez, il y a 50 ans, même dans les maisons où il n'y avait pas les foyers, où il n'y avait aucun livre, il y avait toujours une encyclopédie au-dessus de la cheminée. Ça a toujours été finalement le moyen de base pour communiquer les découvertes, parfois avec un certain retard, mais au grand public. Ben, de nos jours, on a évidemment les encyclopédies collaboratives en ligne, comme Wikipédia, qui ont un peu pris le relais. Il y a ce qu'on peut appeler les écrivains savants, ça a commencé au 19e siècle, c'était des gens qui avaient commencé une carrière dans la science, et puis soit que ça ne les intéressait pas tant que ça, soit qu'ils ne réussissaient pas scientifiquement. Par exemple, quelqu'un comme Camille Flammarion, le frère de l'éditeur Flammarion, si c'est un nom qui dit quelque chose à certains, ben, c'est un de ses premiers écrivains savants, qui a fait beaucoup de vulgarisation de l'astronomie, par exemple. L'astronomie, ça a toujours plu au public, dès le 19e siècle, vous avez eu beaucoup d'ouvrages de vulgarisation, notamment par ce Camille Flammarion. De nos jours, ben, vous avez encore des écrivains savants, on pourrait se dire, par exemple, je sais pas, il est un peu vieux et peut-être que vous ne le connaissez plus, mais moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, il était déjà vieux, n'empêche, mais enfin moins vieux que maintenant, à Hubert Reeves, par exemple, je ne sais pas si c'est un nom qui vous est familier en matière d'astrophysique. Il y a quelqu'un qui connaît Hubert Reeves ? Bon, il n'y a que les gens de ma génération qui connaissent Hubert Reeves. Bon, Hubert Reeves, c'était aussi quelqu'un qui a énormément, et il est toujours vivant, il participait à la Nuit des Étoiles sur France 2, enfin, toutes sortes de choses pour vulgariser les découvertes en astrophysique. Albert Jacquard en biologie, même, vous ne connaissez sans doute pas non plus. Stephen Hawking, mais lui, il a quand même plus contribué scientifiquement aussi. Vous voyez Stephen Hawking dans son chapeau, là, dans sa, voilà. Lui, vous voyez, il y a eu un film il n'y a pas longtemps, ben voilà, typiquement des écrivains savants. Les films scientifiques, hein, vous avez eu il n'y a pas longtemps le festival des films scientifiques à l'ULB, je ne sais pas si certains ont été voir, moi cette année je n'ai pas su y aller, mais chaque année il y a ce chouette petit festival où on diffuse des documentaires scientifiques et des films de vulgarisation scientifique. C'est aussi un moyen de diffuser les connaissances scientifiques, les musées, les expositions. Un moyen un peu plus récent, c'est les blogs de chercheurs. Vous avez des chercheurs qui, en plus d'écrire des livres, en plus d'écrire des articles scientifiques, et d'espérer avoir des citations à ces articles, avec le système que j'expliquais tout à l'heure, mais ont quand même à cœur de communiquer leurs travaux vers un public plus large et rédigent des blogs. Vous avez comme ça quelques très bons chercheurs qui sont capables de simplifier leurs travaux et ils font des blogs qui sont parfois suivis par des milliers de personnes. Donc c'est aussi une possibilité pour le chercheur qui a le temps et la motivation de nos jours d'écrire des blogs pour un petit peu informer les gens de ce sur quoi ils travaillent. Alors je termine par deux moyens qui paraissent peut-être un peu moins évidents a priori pour communiquer la science, mais c'est la science-fiction, et le fait d'être conseiller scientifique sur un film. Alors je vais prendre deux exemples. Alors c'est dommage parce que je pense que l'étudiant qui travaille sur les mangas n'est pas là aujourd'hui, je ne crois pas. Bon, là j'ai pris Ghost in the Shell. Vous connaissez ça, Ghost in the Shell? Qui connaît Ghost in the Shell? Pas de plus que Uberfif. bon, écoutez, alors j'aurais cru que ça vous. Et le film, vous le connaissez, celui qui vient de sortir avec Scarlett Johansson, qui est une adaptation en fait du manga. Bon, ok, je pensais que ça aurait plus de. C'est vraiment récent ça, hein. C'est pas. En tout cas, le film, le manga il est plus ancien, on est d'accord, mais ici c'est le japanimé tiré du manga qui doit être des années 2000. Non, ok. Bon, toujours est-il que ce que je veux dire par là, c'est que la science-fiction, très souvent, hein, par rapport à des développements scientifiques, c'est un moyen de diffuser des extrapolations d'idées scientifiques dans le grand public. Souvent, la science-fiction et les auteurs de science-fiction sont souvent des gens qui s'intéressent aux sciences. Parfois même des anciens scientifiques, par exemple Isaac Asimov, qui était peut-être un nom qui ne vous dit rien non plus, mais qui était un des tout grands auteurs de science-fiction, c'était un scientifique aussi à la base. Donc, il s'arrange toujours directement ou indirectement pour transformer en fiction quelque chose qui a toujours un substrat scientifique. Et ici, dans Ghost in the Shell, l'histoire, en fait, c'est... Je ne suis pas du tout un spécialiste, mais c'est une cyborg qui n'a d'humain que son cerveau, et on a reconstitué un corps artificiel parce qu'elle a eu un accident, je pense qu'elle a été massacrée, elle est policière, en fait, pour simplifier. Et c'est donc la question que Ghost in the Shell pose, c'est la question, finalement, de ce qu'on appelle le transhumanisme, enfin jusqu'où on est humain et jusqu'où l'adjonction de mécanique, d'éléments artificiels, d'éléments liés aux technologies de l'information transforme l'humain en quelque chose qui devient un transhumain. Et c'est aussi fondé sur tout ce qu'on appelle, et ça vous en avez peut-être entendu parler dans vos cours sur la théorie de la communication et de l'information, le mouvement cybernétique dans les années 40 avec Norbert Wiener, je sais pas si c'est des choses, ça normalement vous devriez en avoir entendu parler. Si vous avez entendu parler ni d'Asimov, ni de Wiener, mais ça fait partie du coup des cours, donc je pense que vous en avez entendu parler. Et donc Norbert Wiener, dans les années 40, c'est cette idée que la cybernétique, hein, de considérer que l'être humain, finalement, et tout dans la nature, parce qu'il ne s'arrêtait pas à l'être humain, il est d'abord quelqu'un qui fonctionne par l'échange d'informations avant d'être une intériorité, avant d'être finalement une âme, on va dire, l'être humain fonctionne par échange d'informations avec ses semblables et avec la nature. Eh bien, cette idée de cybernétique, ceux qui connaissent Ghost in the Shell, c'est vraiment la question que pose Ghost in the Shell avec toute cette réflexion sur est-ce que ces cyborgs ont une âme ou est-ce qu'ils n'existent que par le fait de se connecter. Là, ils se mettent directement une prise liée à une sorte de méga internet dans la tête et ils reçoivent et échangent des informations. Donc, ce que je veux dire par là, mais je pensais que vous connaissiez mieux, c'est qu'un manga, un japanimé ou un film comme Ghost in the Shell, c'est vraiment un moyen de disséminer, en le transformant un peu, mais des concepts qui sont d'abord discuté par des scientifiques, en l'occurrence la pensée cybernétique et au-delà tout ce qui concerne le transhumanisme. Alors pour finir, j'ai pris une référence que vous n'avez sûrement pas. Est-ce que vous connaissez? C'est qui? C'est pas Shrek. Hein. Et c'est pas non plus Élie le mammouth. King Kong. Voilà, ok. Bon, il s'agit de King Kong, ok. Vous connaissez King Kong? Donc, mais il ne s'agit pas du film réalisé il y a une dizaine d'années par Peter Jackson, hein, mais du premier film de King Kong qui est sorti en 1932 ou 1933. Alors ce film, il avait fait une sensation absolue au niveau des effets spéciaux, hein, pour cette scène qui pourtant a pas l'air absolument terrifiante, mais de l'affrontement entre King Kong et un Tyrannosaure Rex, hein, des petites marionnettes, etc. Et à l'époque ça n'avait jamais été fait, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse ici. c'est finalement toute la petite histoire qu'il y a derrière et avec laquelle on va conclure cette leçon, c'est comment ils en sont arrivés à pouvoir reconstituer le tyrannosaure. On est en 1933, il y a 80 ans, on n'avait pas encore découvert autant de fossiles que de nos jours, et un des principaux, c'est un film américain, un des principaux découvreurs de fossiles, on ne peut pas vraiment dire qu'il était paléontologue, il n'avait pas une formation scientifique complète, mais c'était un certain Barnum Brown, qui était rentier, donc qui passait sa vie à chercher les fossiles de dinosaures. Et ce Barnum Brown était devenu finalement un peu le spécialiste en dinosaures aux États-Unis. D'ailleurs, si vous allez au musée des sciences naturelles de New York, encore de nos jours, la plus grande salle avec toutes les reconstitutions de dinosaures s'appelle la salle Brown, parce que c'est lui qui a créé les décors à l'époque. Ils ont un peu modernisé depuis, mais c'est toujours en son honneur que le musée des sciences naturelles de New York à sa salle des dinosaures. Eh bien, Barnum Brown, les auteurs, le réalisateur du film King Kong, et je ne sais plus son nom m'échappe, mais enfin, peu importe, avait demandé à Barnum Brown de servir de conseiller scientifique sur son film, parce qu'il voulait donner un cachet un peu scientifique, il voulait que les dinosaures soient réalistes. C'est aussi un argument publicitaire, hein. C'était de pouvoir dire aux gens, dans ce film, vous verrez les dinosaures comme ils étaient vraiment à l'époque. Hein. Et donc, Barnum Brown avait dit, ok, mais il avait conditionné ça à une seule condition. Il voulait que le tyrannosaure soit représenté. Et là, on ne le voit pas trop, hein, mais dans le film, il y a des gros plans qui sont vraiment faits exprès, si jamais vous voyez ce film, qu'il soit représenté avec trois doigts et pas deux doigts. Alors à l'époque, dans les années 30, il y avait une énorme dispute entre savants et paléontologues ou paléontologues amateurs, et Brown prétendait que les tyrannosaures avaient trois doigts, et puis d'autres prétendaient qu'ils avaient deux doigts. Et donc Brown avait dit, ok, je veux bien servir de conseiller scientifique, mais je veux que le film serve à diffuser ma propre conception des tyrannosaures rex et qu'ils aient trois doigts. Et donc, évidemment, on lui dit, ok, c'est bon, on va vous faire plaisir. Le film est sorti, le tyrannosaure avait trois doigts, et puis malheureusement, deux ou trois ans après, on a fait de nouvelles découvertes paléontologiques, et de nos jours, on sait pertinemment bien que ce brave tyrannosaure avait deux doigts. Mais ce que je veux dire par là, c'est pas que le film, c'est le moyen principal de diffuser la science, mais qu'il faut, quand on pense dissémination des connaissances scientifiques, pas se limiter uniquement aux articles scientifiques, aux livres, aux lettres, pas uniquement aux encyclopédies, pas uniquement au travail des journalistes scientifiques, pas uniquement au communiqué de presse, des relations presse, des universités, mais que tout ce qu'on appelle les médias culturels, hein, les médias de masse culturelle, j'aurais même pu vous parler de certaines musiques ou de certaines chansons, hein, mais les films en tout cas, il y a parfois, consciemment comme ici avec l'emploi d'un conseiller scientifique comme Barnum Brown, et parfois plus inconsciemment, et c'est aussi un moyen de diffuser presque inconsciemment auprès des publics certaines conceptions scientifiques ou certaines théories scientifique. Donc c'est un exemple, hein, on pourra en trouver beaucoup d'autres. Ok, et avec King Kong, ben, je propose qu'on en termine sur King Kong, s'il n'y a pas de questions, si tout est clair. Ok.